temps passe et passe, elle ne sort pas de ma cabeça. Ok. Rien ne s'efface, elle recherche l'homme qui ne la trahira pas. Ok. Elle a tant donné, mais chaque fois elle en paie le prix. Ok. Barricadé son petit cœur déjà affaibli. Hey, aïe, aïe, elle m'a fait mal. Je la connais depuis long time, mais j'ai vu. Aïe, aïe, elle m'a fait mal. Je vais t'épargner les détails. Mais aïe, aïe, elle m'a fait mal. Non, c'est facile à marier. Mais aïe, aïe, elle m'a fait mal. J'arrive au terrain miné. Faire confiance, t'as dit plus jamais. T'es temps de sacrifice, plus jamais. Ça fait mal et t'as dit plus jamais. Tout ça c'est terminé, plus jamais. Faire confiance, t'as dit plus jamais. T'es temps de sacrifice, plus jamais. Ça fait mal et t'as dit plus jamais. Ah mais tu peux tout remballer, plus jamais. Ok. Mais dis-moi ce qui se passe. Je serai celui qui fera tomber les barrières. Regarde-moi bien en face. C'est toi et moi, y'a pas de retour en arrière. Avec toi, pas de sales idées. Avec toi, je veux que bombarder. Dans ma tête, ça fait toc, toc, toc. J'arrive plus à me contrôler. Mais aïe, aïe, elle m'a fait mal. Je la connais depuis long time. Mais j'ai dit aïe, aïe, elle m'a fait mal. Je vais t'épargner les détails. Mais aïe, aïe, elle m'a fait mal. C'est facile à marier. Mais aïe, aïe, elle m'a fait mal. J'arrive en terrain miné. Perds confiance, t'as dit plus jamais. T'es temps de sacrifice, plus jamais. Ça fait mal et t'as dit plus jamais. Tout ça c'est terminé, plus jamais. Faire confiance, t'as dit plus jamais. T'es temps de sacrifice, plus jamais. Ça fait mal et t'as dit plus jamais. Ah mais tu peux te remballer, plus jamais. Ok. Elle m'a condamné. Voyou se sent bla bla bla. Ok. Et je suis affolé. Je m'en sortirai pas, pas, pas, pas, pas, pas. Elle m'a condamné. Voyou se sent bla bla bla bla bla bla. Et je suis affolé. J'en sortirai pas, pas, pas, pas, pas, non, non. Aïe, aïe, elle m'a fait mal. Je la connais depuis long time. Mais j'ai dit aïe, aïe, elle m'a fait mal. Je vais t'épargner les détails. Mais aïe, aïe, elle m'a fait mal. Pas si facile à marier. Mais aïe, aïe, elle m'a fait mal. J'arrive au terrain miné. Perds confiance, t'as dit plus jamais. T'es temps de sacrifice, plus jamais. Ça me fait mal et t'as dit plus jamais. Tout ça c'est terminé, plus jamais. Faire confiance, t'as dit plus jamais. T'es temps de sacrifice, plus jamais. Ça fait mal et t'as dit plus jamais. Ah mais tu peux tout remballer, plus jamais. Ok.